Kafka sur le rivage. Tu es assis au bord du monde. Je suis dans un cratère éteint. Et près de la porte dans l'ombre sont des mots sans début ni fin. Murakami Haruki, Umibe no Kafka, de Haruki Murakami. La lune éclaire un lézard endormi. Du ciel, des petits poissons tombent en pluie. Traduction Corinne Atlan. Derrière la vitre, il y a des soldats. Adaptation Juliette Emma. Sans peur de passer ta vie à trépas. Nous perdons tous sans cesse des choses qui nous sont précieuses. Nous sommes à la frontière des mondes et nous parlons un langage commun, c'est tout. C'est vraiment bizarre, le destin. Un jour, tu tueras ton père de tes mains et tu coucheras avec ta mère et ta sœur. Dai Nijuwa, 20e et dernier épisode. Oh, ma mère, dis-tu, je te pardonne. Et tu sens le bloc de glace au fond de ton cœur se fendre avec un craquement. Tout de même, j'aimerais bien redevenir le Nakata normal, ne serait-ce qu'un tout petit moment, un Nakata qui réfléchit par lui-même et dont la vie a un sens. Hé, papy, ça sert plus à rien de te le dire, mais s'en aller comme ça en roupillant, c'est pas une mauvaise façon de mourir, hein? Pas vrai? Ta mort te ressemble bien. Peut-être que dans l'autre monde, tu es redevenu le Nakata normal et que tu sais lire et écrire maintenant. Tu es mort, personne n'y peut plus rien, mais tout de même, tu me laisses dans l'embarras, là, à t'en aller avant d'avoir achevé ta mission. Quelqu'un doit bien refermer la pierre de l'entrée, non? Voyons voir. Quand elle est la pierre de l'entrée, elle est si lourde qu'il est quasiment impossible de la soulever. Mais quand elle est légère, ce n'est qu'une pierre comme les autres. Il faut qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. Comme les coups de tonnerre de l'autre jour, pour qu'elle reprenne un poids particulier et recommence à jouer son rôle de pierre de l'entrée. Voyons voir. Pas d'orage en vue. Hé, papy. Si je comprends bien, il faut que je reste ici avec toi à attendre docilement qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire, c'est ça? Le problème, c'est que je sais absolument pas ce que c'est. Ni quand ça va se produire. Dis, papy, tu voudrais pas te relever? Juste un instant. C'est que je suis vraiment embêté, moi, maintenant. Et puis j'aimerais bien entendre ta voix. Ça alors. Je me demande à quand remonte la dernière fois que j'ai pleuré, moi. L'entrée est encore ouverte. En tout cas, elle l'était tout à l'heure. Ça ne te dérange pas de refaire ce long chemin? Tu arriveras à suivre? Pas de problème. Si l'entrée est refermée quand on arrive, tu seras bien ennuyé, non? Tu te diras que ça ne valait pas le coup de faire tout ce chemin. Je sais. Tu n'as aucun regret de partir d'ici? Pourtant, il faut que tu y retournes. Aucun. Moi, je désire ta présence. Il n'est pas trop tard pour te retrouver vraiment. Dépêchons-nous d'y aller, alors. Ne te retourne pas, ça vaudra mieux. Oui, ça vaudra mieux. Et nous nous enfonçons à nouveau dans la forêt. Hé, hey, papy, t'as pas trop froid? Il est mort et bien mort. J'y peux rien de toute façon. Ma cata est dans le monde des morts et moi je suis dans celui des vivants. On est en décalage. Hé, hey. Tu pourrais me dire ce qu'il faut faire, toi, la pierre? Je voudrais bien remettre le corps de Nakata entre les mains de gens compétents, mais si tu m'aides pas un peu, j'y arriverai pas. Silence de pierre, bien sûr. Hé, hey, la pierre, je vais piquer un petit roupillon, ok? On reprendra notre discussion demain matin. J'ai eu une longue journée aujourd'hui. J'ai sommeil maintenant. Ouais, j'ai une longue journée. Il s'est vraiment passé beaucoup de choses en l'espace de 24 heures. Hé, hey, papy! Hé, hey, Nakata! Tu m'entends? Salut, Kafkatamura. Bonjour, Oshima-san. C'est mon frère qui t'a ramené jusqu'ici? Oui. Il s'est passé quelque chose ici? Votre frère m'a dit que je devais rentrer à cause d'une affaire urgente. Oui. Mademoiselle Saike est morte. Une crise cardiaque. Je l'ai retrouvée effondrée sur son bureau. C'est arrivé brutalement. Elle n'a pas souffert, apparemment. J'aurais dû te prévenir plus tôt, mais... j'ai eu du mal à rassembler mes esprits. Je te l'avais dit, je savais qu'elle allait mourir et elle le savait aussi. Mais évidemment, maintenant que c'est arrivé, c'est très douloureux. Il y avait un testament dans le tiroir de son bureau au premier étage. Elle lègue tous ses biens à la fondation qui gère la bibliothèque Komura. Elle m'a laissé son stylo Mont-Blanc en souvenir. Et à toi, elle laisse un tableau. Kafka au bord de la mer. Tu sais, le tableau du garçon au bord de la mer. Tu veux bien le prendre? Je voudrais que tu le gardes avec toi, pour toujours. Je l'ai préparé pour toi. Il est déjà emballé et il t'attend. Merci. Dis, Kafka, je peux te poser une question? Oui. Tu savais déjà que Mademoiselle Saiki était morte, n'est-ce pas? Oui. Je crois. C'est bien ce qui me semblait. Il est toujours mort. Et bien mort. Hé, hey, la pierre, c'est moi. Tu te souviens de moi, c'est ton vieux pote Ushino? On va de nouveau passer la journée ensemble, on dirait. Bon. Peu importe, on va avoir tout le temps de faire connaissance. De quoi pourrions-nous bien parler? C'est que j'ai pas l'habitude de parler à une pierre, moi, tu sais. Qu'as-tu l'intention de faire à présent, Kafka Tamura? Retourner à Tokyo. Que feras-tu une fois là-bas? J'irai voir la police pour commencer, et je leur expliquerai ce qui s'est passé. Sinon, je serai obligé de passer le reste de ma vie en cavale. Et puis, peut-être que je vais retourner à l'école. J'en ai pas vraiment envie, mais il faut au moins que je finisse le collège. Si je prends mon mal en patience, dans quelques mois, j'obtiendrai mon diplôme de fin d'études, et ensuite, je pourrai faire ce que je veux. Je vois. C'est peut-être ce que tu as de mieux à faire, en effet. Passer sa vie à fuir ne mène qu'à des impasses. Sans doute. Tu as mûri, on dirait. Nous perdons tous sans cesse des choses qui nous sont précieuses, des occasions précieuses, des possibilités, des sentiments qu'on ne pourra pas retrouver. C'est ça aussi, vivre. Mais à l'intérieur de notre esprit, il y a une petite pièce dans laquelle nous stockons le souvenir de toutes ces occasions perdues. Une pièce avec des rayonnages, comme dans cette bibliothèque, j'imagine. Et il faut que nous fabriquions un index, avec des cartes de référence, pour connaître précisément ce qu'il y a dans nos cœurs. Il faut aussi balayer cette pièce, l'aérer, changer l'eau des fleurs. En d'autres termes, tu devras vivre dans ta propre bibliothèque. Est-ce que je pourrais revenir ici, plus tard ? Bien sûr. Apparemment, je vais devoir m'occuper seul de cette bibliothèque pendant un moment. J'aurai sans doute besoin d'un assistant. Quand tu auras réglé tes problèmes avec la police et terminé tes études, si tu en as toujours envie, tu pourras revenir ici. Cette ville et moi n'allons pas bouger avant un certain temps. Tout le monde a besoin d'un port d'attache. Plus ou moins. Merci. Je t'en prie. Dis, Kafka, je me trompe peut-être, mais il me semble que c'est la première fois que je te vois sourire. Eh, la pierre. Pas mal comme musique, non ? Tu trouves pas que ça élargit l'esprit d'écouter ça ? Bon, enfin bref. C'est juste un avis personnel. Je ferais mieux de me taire et d'écouter la musique en silence. Eh, le matou noir. Belle journée, non ? En effet, monsieur Oshino. Alors là, je suis ici. N'y apportant pas de quoi, monsieur Oshino. Vous devez vous ennuyer pour parler comme ça à une pierre toute la journée. Mais comment se fait-il que tu parles le langage humain ? Je ne parle pas humain. Nous sommes à la frontière des mondes, et nous parlons un langage commun, c'est tout. Et comment connais-tu mon nom ? Les chats savent tout. Que Monsieur Nakata est mort, qu'il y a une pierre très importante chez vous. Bien, je suppose que si tu es venu me voir, c'est pour une bonne raison. Oui. J'ai l'impression que tu as des soucis, tout seul avec cette pierre sur les bras. Ça oui, on peut le dire. Je suis un peu coincé. Une fois que tu l'auras remise à l'endroit, ton rôle sera terminé. Et tu seras libre d'aller où bon te semble. Je me trompe ? Ah, pas du tout, c'est exactement ça. Je referme la pierre de l'entrée et on n'en parle plus. Fin de l'histoire. Comme disait Feu Nakata, quand on ouvre quelque chose, il faut le refermer. C'est une règle immuable. Tu dois le tuer. Le tuer ? Mais qui ça ? Tu sauras que c'est lui quand tu le verras. Mais tant que tu ne l'as pas vu, tu ne peux pas savoir. C'est une personne ? Non, ce n'est pas une personne. C'est la seule chose dont on soit sûr. Il doit chercher à pénétrer par l'entrée qui est restée ouverte. Mais quoi qu'il advienne, il ne faut pas qu'il entre. C'est essentiel, tu comprends ? S'il parvient à t'échapper cette fois, ce sera fini. Bon, eh bien, à bientôt, mon petit Oshino. Tu le tues, d'accord ? Sinon, Nakata ne pourra pas reposer en paix. Tu l'aimais bien, le vieux Nakata, n'est-ce pas ? Oui, c'était quelqu'un de bien. Alors, tue cette chose. Élimine-la en concentrant toute ta haine, tout ton ressentiment sur elle. Dis-toi que c'est Nakata qui te le demande. Tu le fais pour lui. Tu as le pouvoir de le faire à sa place. Je te soutiendrai moralement. Merci, c'est bon à savoir. À propos, si la pierre de l'entrée est restée ouverte jusqu'à maintenant, c'est peut-être pour attirer cette chose dans un piège, non ? Peut-être. Ben ça, alors je suis scié. Quand rentres-tu à Tokyo ? Tout de suite. Tu ne veux pas attendre ce soir ? Je pourrais te déposer à la gare après avoir fermé la bibliothèque. Merci, mais il me semble que je ferais mieux de m'en aller tout de suite. Ça, c'est un cadeau de ma part. Kafka sur le rivage. La chanson ? Merci. Le monde est une métaphore, Kafka Tamura. Mais pour toi et moi, seule cette bibliothèque n'est pas une métaphore. Aussi loin qu'on aille, elle reste tout simplement cette bibliothèque. Naturellement. C'est une bibliothèque unique, spéciale et très solide. Rien d'autre ne peut prendre sa place. Au revoir, Kafka Tamura. Au revoir, Oshima-san. Vous avez une belle cravate, vous savez. Ah ! Je me demandais si tu allais m'en faire la remarque. Hé, la pierre. Tu m'en diras tant. Un marteau et des couteaux pour affronter une créature invraisemblable dont je connais ni la taille ni la forme. C'est à peine croyable, non ? Et quand je pense que c'est un chat noir qui me donne les instructions... Mais mets-toi un peu à ma place. Et si c'était une créature sortie tout droit de Jurassic Park, hein ? Qu'est-ce que je suis censé faire, moi, dans ce cas ? À la réflexion, c'était couru d'avance. Le destin avait décidé que ça finirait ainsi. Depuis le moment où j'ai fait monter Nakata dans mon camion, sur l'aire de service de Fujigawa. J'étais le seul à pas le savoir. C'est vraiment bizarre, le destin. Bah, qu'est-ce qu'on y peut ? Je peux toujours rouspéter, c'est moi qui me suis engagé dans cette voie après tout. Je n'ai plus qu'à la suivre jusqu'au bout. Je ne sais pas du tout à quoi ressemble la chose immonde qui doit apparaître, mais tant pis, je vais la combattre de toutes mes forces. C'est peut-être l'occasion pour moi de finir en beauté. Pour ce pauvre papy Nakata. De la bouche du vieux. Allons bon, comment je vais pouvoir tuer un truc pareil, moi ? Comment est-ce que je vais pouvoir éliminer ça ? Cette chose a dû pénétrer à l'intérieur de Nakata et essayer de passer à travers lui pour trouver l'entrée. Il faut que je l'arrête. Élimine-la en concentrant toute ta haine, tout ton ressentiment sur elle. Mais bon sang ! Mais ce truc est complètement insensible ! Rien à faire. Aucune arme ne pourra l'arrêter. Cette chose est démoniaque. La pierre de l'entrée, je pourrais peut-être l'écraser avec. Ah ben ça y est, te voilà redevenu la pierre de l'entrée. Ce qui signifie que si j'arrive à te retourner avant l'arrivée de l'autre monstruosité, elle ne pourra pas passer. Et je n'aurai plus alors qu'à la hacher menu. Ah, mais rien à faire. Hé, hey, la pierre, là ! On dirait que t'es encore plus lourde que la dernière fois. Si j'essaie encore, je vais me décrocher les testicules. Allez. J'essaie une dernière fois. Si je la soulève pas maintenant, je n'aurai plus d'autre occasion de le faire. C'est maintenant ou jamais, mon petit Oshino. Dis-toi que c'est Nakata qui te le demande. Tu le fais pour lui. Même si ça me tue, je vais y arriver ! Ah. Allez! Tu as réussi, mon vieux. Tu as réussi. Le viaduc au-dessus de la mer et arrive à la gare d'Okayama. Là, je change et monte dans l'express à grande vitesse pour Tokyo. Je ferme les yeux et m'installe au fond de mon siège. J'ai posé à mes pieds le tableau Kafka au bord de la mer dans son emballage, bien ficelé. Je sens son contact contre mes jambes pendant tout le trajet. Je voudrais que tu te souviennes de moi. Hé, Nakata. Je ne pense pas qu'on se reverra. Mais je ne t'oublierai pas. Si tu te souviens de moi, cela m'est égal que tous les autres m'oublient. De toute façon, même si je le voulais, je ne le pourrais pas. Parce qu'en un sens, c'est comme si une partie de toi continuait à vivre en moi. Une fois passé Nagoya, il se met à pleuvoir. Je regarde les lignes que les gouttes de pluie forment sur les vitres sombres. Quand j'ai quitté Tokyo, il pleuvait aussi, je crois. Je repense à tous les endroits que j'ai vus sous la pluie. La pluie dans la forêt, la pluie sur la mer, sur l'autoroute, sur la bibliothèque, sur le bord du monde. Alors, sans que rien ne les laissait prévoir, je me mets à pleurer. Je sens les larmes tièdes couler le long de mes joues. Elles débordent de mes yeux, roulent jusqu'à ma bouche, s'y arrêtent, puis sèchent doucement. Cela m'est égal. Je n'ai pas l'impression que ce sont mes larmes. Il me semble qu'elles font partie de la pluie qui frappe les vitres. Ai-je agi comme il le fallait ? Tu as agi comme il le fallait, dit le garçon dans mes corbeaux. Tu as fait ce qui était juste. Personne n'aurait pu agir aussi bien que toi. Tu es le garçon de 15 ans, le plus courageux du monde réel. Tu sais ? Mais je ne sais toujours pas ce que cela signifie, vivre. Regarde le tableau. Regarde le tableau. Et écoute le vent. Fais comme moi. Tu en es capable. Regarde le tableau. Sans cesse. Tu devrais dormir. Quand tu te réveilleras, tu feras partie d'un monde nouveau. Tu t'endors sans tarder. Et quand tu t'es réveillé, tu faisais partie d'un monde nouveau. Kafka sur le rivage, de Haruki Murakami. Traduction Corinne Atlan. Adaptation Juliette Eman. Avec Igor Menjiski, Kafka, Arthur Ribot, le garçon nommé Corbeau, Jonathan Cohen, Oshino, Juliette Plumcock-Mesh, Oshima, et les voix de Mohamed Rouhabi, Axel Boguslavski, Anne Alvaro, Philippe Magnan, Félicien Jutner, Damien Houssier. Musique originale et piano, Denis Chouillet. Chant, Oja Lorca. Clarinette, Fabrice Villard. Percussion, Sylvain Lemaître. Bruitage, Sophie Bissans. Équipe de réalisation, Philippe Bredin, Bruno Mourlan, Annabelle Broard, Marguerite Gâteau. Kafka sur le rivage est publié aux éditions Bellefond.